15. Nous l'avons dit, d'autres l'ont dit bien mieux encore, mais nous nous devons de le répéter ici. Le recours à l'abus et à l'illégalité constitue en réalité un échec cinglant de notre système et va exactement dans le sens de ces criminels qui veulent, à travers la terreur, détruire nos sociétés. En plus, ce faisant, nous conférons à ces criminels une certaine légitimité, celle de combattre un système injuste, et nous provoquons en plus un mouvement de sympathie en leur faveur, ce qu'ils ne peuvent ressentir que comme un encouragement pour eux et pour ceux qui les soutiennent. 16. En fait, il manque une véritable stratégie internationale contre le terrorisme. Et à ce propos, l'Europe semble avoir été dramatiquement passive. Le refus, en outre, de mettre sur pied et de reconnaître un véritable système international judiciaire et de poursuite constitue une faiblesse importante de notre lutte contre le terrorisme international. Nous partageons aussi le point de vue de Amnesty International, exposé dans son récent rapport annuel. Les gouvernements profitent de la peur suscitée par la menace terroriste pour restreindre arbitrairement les libertés fondamentales. En même temps, ils ignorent des phénomènes bien plus meurtriers dans d'autres régions, ou font preuve d'une passivité déroutante. Pensons seulement à la traite des êtres humains ou au trafic d'armes. Comment est-ce possible, par exemple, que des avions chargés d'armes continuent d'atterrir régulièrement au Darfour, où se consomme une tragédie humanitaire avec des dizaines de milliers de victimes? 17. Nous pensons aussi nécessaire d'attirer l'attention sur un aspect que nous considérons très dangereux. La juste lutte contre le terrorisme ne doit pas être un prétexte pour provoquer dans l'opinion publique des réactions racistes et islamophobes. Le Conseil de l'Europe a justement reconnu l'importance fondamentale du dialogue interculturel et interreligieux. Il est hautement souhaitable que les États membres et observateurs relaient cette initiative et suivent le problème avec la plus haute attention. Des dérives en cette matière pourraient avoir des conséquences désastreuses sous la forme d'un renforcement de la menace terroriste future. 18. Dans le cours de nos recherches et à travers des circonstances particulières, nous avons eu connaissance de certains mécanismes particuliers, secrets pour la plupart, utilisés par les services de renseignement dans leurs activités anti-terrorisme. Il ne nous appartient pas de juger ces méthodes, bien que dans ce cadre aussi, on prenne apparemment de grandes libertés avec la légalité. Bon nombre de ces méthodes engendrent des réactions en chaîne de chantage et de mensonges entre différents services et entre institutions à l'intérieur du pays et entre États. Cela peut aussi expliquer, du moins en partie, l'opposition farouche de certains gouvernements à révéler la vérité. Nous ne pouvons entrer dans les détails de ce phénomène, car cela mettrait en danger des vies humaines. Permettez-moi de rappeler que nous sommes fermement convaincus de l'importance stratégique du travail de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Tout aussi fermement, nous croyons en la nécessité que ces services soient soumis à des codes de conduite, assortis d'une supervision énergique et rigoureuse. 19. Avec le mandat qui nous a été confié, nous estimons que l'Assemblée a atteint la limite de ses possibilités. Les moyens mis à disposition pour répondre aux questions qui nous ont été posées sont totalement inadéquats par rapport à la tâche. Le Conseil de l'Europe devrait sérieusement réfléchir à se doter d'instruments plus performants et plus contraignants pour faire face à des phénomènes aussi redoutables de violations massives et systématiques des droits de l'homme. Cela est plus nécessaire que jamais, puisqu'il apparaît désormais clairement que nous sommes en présence d'un inquiétant processus d'érosion des libertés et des droits fondamentaux. 20. Nous devons déplorer l'attitude des nombreux pays qui n'ont pas jugé nécessaire de répondre aux questionnaires que nous leur avons fait parvenir par les soins des délégations nationales. De même, l'OTAN n'a jamais répondu à notre courrier. 21. En présentant ce rapport, le rapporteur exprime sa gratitude aux collaborateurs et collaboratrices du secrétariat de la Commission pour leur engagement et leur dévouement hors du commun. Un grand remerciement et une reconnaissance toute particulière vont au jeune collaborateur qui a spécialement suivi ce dossier. Il a fait preuve d'une capacité d'analyse et d'une ténacité tout simplement extraordinaire. 5. Les violations des droits de l'homme liées au programme de détention secrète de la CIA. Confinement, isolement et dénuement. 245. Des détenus ont été amenés dans leurs cellules par des hommes habillés en noir, portant des masques qui recouvraient totalement leur visage et des visières sombres sur les yeux. Leurs vêtements ont été lacérés et arrachés, et beaucoup de détenus sont restés nus pendant plusieurs semaines. 246. Des détenus ne disposaient que d'un seau pour uriner, d'un bol pour le petit-déjeuner et le dîner, servis épisodiquement et en silence, et d'une couverture. 247. Des détenus ont passé plusieurs mois d'isolement et d'extrême privation sensorielle dans de minuscules cellules, enchaînées et menottées en permanence. 248. Des détenus ont reçu de vieilles couvertures noires, trop petites pour qu'ils puissent à la fois s'étendre dessus et s'en couvrir. 249. Des détenus ont reçu de la nourriture inhabituelle, telle que du bœuf et du riz en boîte. Beaucoup d'entre eux ne mangeaient que pour trouver un peu de chaleur et lutter contre le froid perçant. 250. La nourriture était crue, insipide et souvent versée sans soin dans un plat peu profond, de sorte qu'il en tombait une partie à côté. Hormis un mince matelas en mousse pour s'allonger ou se reposer, les cellules se résumaient à un sol nu et des murs nus. 251. À un certain moment, en 2004, 8 personnes étaient détenues dans les mêmes locaux de la CIA en Europe, mais toutes soumises à un strict régime d'isolement. Tout contact visuel ou auditif entre eux était interdit et empêché. Sauf en cas de décision expresse de créer des conditions limitées dans lesquelles ils pouvaient se voir ou entrer en contact, parce que cela pouvait servir les objectifs de recueil d'informations de la CIA. 252. Une caractéristique commune pour beaucoup de détenus était le régime d'isolement de 4 mois. Au cours de cette période de plus de 120 jours, absolument aucun contact humain n'était autorisé, sauf avec des gardes masqués et silencieux. Il ne devait rien y avoir à quoi l'on puisse se raccrocher, aucune familiarité, aucun confort, personne à qui parler, pas d'issue. C'est très long quand on est seul face à ses pensées. A. Conditionnement physique minutieux des détenus et cellules. 253. Au cours du transfert en détention secrète, tous les prisonniers sont physiquement examinés afin d'évaluer leur conditionnement et leur état de santé, repérer les éventuelles blessures ou cicatrices, et en dresser un portrait complet qui servira d'élément de comparaison une fois en détention. Pour ces examens, pour lesquels le sujet est totalement déshabillé, il semble qu'ait été utilisée une carte du corps similaire au formulaire employé par les entreprises de location de véhicules lors de la remise des clés pour relever toutes les marques spécifiques sur la voiture. Dans tous les cas, avant le transfert, le sujet est filmé ou au moins photographié nu. 254. L'air de nombreuses cellules provenait d'un orifice de ventilation situé au plafond, fréquemment réglé de manière à produire des températures extrêmes, parfois chaudes au point de suffoquer, parfois froides au point d'être frigorifiées. 255. De nombreux détenus ont décrit que l'air conditionné était délibérément réglé de manière à rendre la situation inconfortable. 256. Des détenus étaient exposés à certains moments à une surchauffe de leurs cellules, à d'autres moments à des courants d'air glacés. 257. Des détenus n'ont jamais bénéficié de la lumière ni de l'obscurité naturelle, d'autant qu'ayant les yeux souvent bandés, ils ne voyaient rien. B. Surveillance permanente. 258. Des détenus parlent avec haine des caméras de surveillance placées de manière à balayer chaque centimètre carré de la cellule. 259. Des détenus étaient écoutés par leurs interrogateurs au moyen de micros cachés dans les murs. 260. Outre la présence de caméras dans les cellules, des gardes masqués regardaient sans cesse dans la cellule et frappaient à la porte, intimant aux détenus de se réveiller et de lever les bras pour montrer qu'ils étaient toujours en vie. C. De la banalité au souvenir indélébile. 261. Le petit déjeuner était servi le matin, puis un déjeuner en début d'après-midi. La nourriture du matin se composait habituellement de deux ou trois portions triangulaires de fromage non emballé, deux rondelles de tomates, quelques pommes de terre bouillies, du pain et des olives. L'après-midi, le repas comprenait habituellement du riz blanc bouilli et des tranches de viande en conserve. 262. Lors de certaines occasions, dont les fêtes religieuses, des repas spéciaux comportant de la viande cuite en sauce, des noix et des dattes, des fruits et légumes frais, ou encore des morceaux de chocolat, étaient servis dans les cellules. Parfois même de petits extras tels que des confiseries ou des gâteaux étaient distribués dans les cellules. 263. Une vraie routine s'est développée autour de la distribution des repas. L'ampoule électrique qui était allumée en permanence était brièvement éteinte, la nourriture était distribuée, puis la lumière était rallumée. La porte de la cellule était équipée d'une trappe pour la distribution des repas, mais il était totalement impossible de prévoir si les gardes allaient introduire le repas par la trappe ou si la porte serait ouverte et le repas déposé dans la cellule. 264. Des détenus disposaient en guise de toilette d'un seau de 30 cm de profondeur et 25 cm de diamètre. 265. Par moments, l'alimentation électrique tombait en panne, la musique s'arrêtait et la lumière s'éteignait. Pendant de courts moments, on pouvait entendre crier plusieurs personnes, certaines plus lointaines que d'autres, mais tenant toutes des propos incohérents. D. Pratique systématique de stress physique et psychologique. 266. Les murs des cellules étaient équipés à environ 50 cm du sol d'un anneau permettant d'enchaîner les détenus. Ils portaient des menottes et des fers aux pieds. Ils étaient régulièrement contraints de se contorsionner et restaient enchaînés à l'anneau durant des périodes longues et pénibles. 267. La majorité des prisonniers de la CIA ont tenté tôt ou tard de résister ou de protester contre les traitements infligés et les interrogatoires. Ces efforts se sont pour la plupart avérés vains. Selon une source ayant participé aux interrogatoires de la CIA, « Vous savez qu'ils commencent à capituler lorsqu'ils reviennent vers vous, quand ils se montrent loquaces ou tentent de contester votre autorité. Alors vous tenez bon et vous les faites craquer. » 268. Le fond sonore le plus courant dans les cellules était un bourdonnement faible mais constant de bruit blanc diffusé par des haut-parleurs. D'autres reconstitutions font état d'un vrombissement extérieur ressemblant au bruit d'un avion, d'un moteur ou d'un générateur. Le bruit permanent était ponctué de braillements de musique occidentale à pleine puissance, rock, rap et battements assourdissants, de versets déformés du Coran, ou des bruits irritants, tonnerres, décollages d'avions, rires tonitruants, cris de femmes et d'enfants. 269. Des détenus ont été soumis à des bruits et des dérangements permanents anéantissant toute chance de trouver le sommeil. 270. La musique de torture était mise en route, ou du moins le volume était considérablement augmenté, en punition de prétendues infractions, telles qu'élever la voix, appeler ou ne pas faire signe assez vite lorsque les gardes attendaient une réponse des détenus. 271. L'escalade progressive des efforts physiques et psychologiques imposés, associée dans certains cas à des périodes de pression intense aux fins de l'interrogatoire, a occasionné chez bon nombre des personnes détenues par la CIA l'apparition de problèmes psychiatriques et mentaux.